Moqtadi ibn Mriya fut le 27e calife de la maison des Abbasides, d'Abbas. Fils de Mohammed, petit-fils de Kayem son prédécesseur, il lui succéda en l'an de l'Hégire 467. En 469, Mlik Shah, sultan des Seldjoucides, surnommé Jelaleddin Jelaleddoula, vint à Bagdad, Irak, rendit beaucoup d'honneur au calife, et vécut toujours fort bien avec lui, à l'encontre de la coutume ordinaire des sultans, et s'en retourna peu de temps après en Perse. L'an 480, Moqtadi épousa la fille de Mlik Shah, princesse douée d'une très grande beauté. Et lorsqu'elle fit son entrée, les fêtes qui se firent à Bagdad surpassèrent toutes les réjouissances qui s'étaient faites jusqu'alors, dans le musulmanisme, en de pareilles occasions. Toutes les rues de la ville furent éclairées de flambeaux de cire et de fanaux. Et l'on dit qu'on avait employé, au dessert du festin que l'on fit à cette princesse, 4000 manses de sucre, qui sont le poids de 80 000 livres, de 12 onces chacune. Et tout le reste de la dépense de ce grand appareil s'était fait en proportion. Cependant, cette princesse ne vécut pas longtemps en bonne intelligence avec son mari le calife, car en l'an 481, elle voulut retourner auprès de son père à Ispahan, Iran, où elle mourut. En 484, Mlik Shah fit un second voyage à Bagdad, d'où étant retourné en Perse, il y mourut, peu de temps après à la chasse, l'an 485. La mort de Mlik Shah fut suivie de près par celle du calife Moqtadi, emporté subitement en l'autre monde, l'an de l'Hégire 487, à l'âge de 38 ans et 8 mois, après un règne de 19 ans et 5 mois. Ce prince a eu la réputation d'aimer la justice. Il corrigea pendant son califat une infinité d'abus qui se commettaient contre les lois. Moqtadi aimait et favorisait fort les gens de lettres, ce qui fit que plusieurs excellents hommes lui dédièrent leurs ouvrages, comme Fisaïd Ben Ba, dans son livre intitulé « Moni Fil Teb » et Benji Azala, le sien intitulé « Taghsuim al-Abdan ». L'auteur du Nigaristan rapporte la mort de ce calife en la manière suivante. L'an de l'Hégire 487. Le calife Moqtadi étant à table avec ses plus familiers amis, et buvait à son ordinaire. Après que la table fut levée, étant demeuré seul avec deux de ses femmes, l'une nommée Kahirmana, et l'autre Shems al-Nahar, il interrogea tout d'un coup la seconde, sur des gens qu'il voyait, et lui demanda qui les avait laissés entrer sans sa permission. Cette dame, étonnée, tourna la tête pour voir qui c'était, et n'ayant vu personne, elle jeta les yeux sur Moqtadi, et s'aperçut qu'il changeait, que ses mains et ses pieds lui manquaient, et dans ce même instant, elle le vit tomber mort à ses pieds. Ce mal qui fait mourir si promptement s'appelle phagia, ou méphagia en arabe, nom que l'on donne aussi à la peste. Les mahométans croient qu'il y a des esprits armés d'arcs et de flèches, que Dieu envoie pour punir les hommes, quand il lui plaît, et que les blessures que font ces spectres sont mortelles lorsqu'ils paraissent noirs, mais elles ne sont pas mortelles par des spectres qui paraissent blancs. C'est ainsi que les mahométans raisonnent sur la peste, et c'est sur ce fondement qu'ils ne prennent aucune précaution pour s'en garantir.